En anglais, « I was doing it » n'exprime l'imparfait que dans un seul sens, celui de « j'étais en train de le faire », mais pas dans celui de « je le faisais très souvent » ou « j'avais l'habitude de le faire ». Vous voyez ce que je veux dire ? Pour exprimer « je le faisais » dans le sens de « j'avais l'habitude de le faire »,« je le faisais très souvent », »,« je le faisais tout le temps », »,« tous les jours », »,« fréquemment », alors en anglais on dit « j'avais l'habitude de le faire ». Plus simplement, « I used to do it ». Usuellement. En quelque sorte, « I used to do it ». « I used ». « Used » s'écrit « U-S-E-D ».« I used ». C'est du passé. « I used to do it ». Alors, comment dit-on « je le faisais ce matin » ?« I was doing it this morning ». Right, « I was doing it this morning ». L'année dernière, je le faisais très souvent. Last year, l'année dernière. The last year. Non, non. Last year. Last year. Last year. Last year. Year. Je le faisais très souvent. I used to do it. Yes! Last year, I used to do it very often. J'y allais ce matin. I was going there this morning. Right. I was going there this morning. J'y allais tous les jours. I used to go there. Yes. Every day. Tous les jours. Every day. I used to go there every day. Oh. Every day. I used to go there every day. Je l'ai vu hier. Elle. Alors, I saw... I saw... Oh, I saw her yesterday. Yes, I saw her yesterday. Je la voyais très souvent. I used to see her often. Yes, I used to see her often. I used to see her very often. Il a travaillé ce matin. He worked this morning. Right, he worked this morning. Il travaillait ici ce matin. He was working here this morning. Right, he was working here this morning. Comment dit-on? Il travaillait là il y a longtemps. Il n'y travaille plus. Il travaillait là il y a longtemps. He was working there. Yes, c'est possible, mais si on dit il travaillait là tous les jours, c'était son travail. Ah, he used to work... Yes. He used to work there. He used to work there. He used to work there. Il n'y travaille plus. Il ne travaille pas. He don't work. He... Oh, évidemment. He doesn't work. Yes. He doesn't work. Il ne travaille pas. Il ne travaille plus... He doesn't work anymore. Anymore. Anymore. Yes. He doesn't work anymore. Il n'y travaille plus. He doesn't work... There anymore. Yes. He doesn't work there anymore. Alors, once more. Il y travaillait avant. He used to work there. Before. Before. Mais il n'y travaille plus. But he doesn't work there anymore. Right, but he doesn't work there anymore. Il y travaillait avant. He used to work there before. But il n'y travaille plus. He doesn't work there anymore. Nous y avons mangé hier soir. We was eat there. Encore une fois. We were eating there. We were eating there. Nous y mangions hier soir. Nous y avons mangé hier soir. Alors, we have eaten there. Oui. Ou on peut aussi l'exprimer comme une action ponctuelle du passé. Une action du passé révolu. We, suivi du passé simple. We... Eated. Bon, mais ce n'est pas un verbe régulier. Et si on n'est pas sûr, qu'est-ce qu'on fait? Alors, we did eat there. Yes, we did eat there. De cette façon, vous pouvez attendre la réponse pour connaître la forme correcte. C'est-à-dire, vous y avez mangé? You ate there? Mm. Puis vous répondez, oui, oui. Yes, we ate there. Right, yes, we ate there last night. Yes, we ate there last night. OK, once more. Nous y avons mangé hier soir. We ate there last night. We ate there last night. Nous y mangions assez souvent. We used to eat very often. We used to eat there quite often. Quite. Assez souvent se dit quite often. Très souvent, very often. Hmm. Assez souvent donc, quite often. Assez se dit normalement enough. Mais assez souvent, quite often. Quite often. C'est assez bon? Quite good. Yes, right. It's quite good. It's quite good. Comment dit-on c'est assez? It's enough. Ou c'est une baleine. It's enough. Yes. C'est assez cher? It is quite dear. You're right. It is quite dear. So once more, nous y avons mangé hier soir. We ate there last night. Right. We ate there last night. Nous y mangions très souvent. We used to eat there very often. We used to eat there très souvent, very often. Assez souvent? Quite often. Quite often. En anglais, on n'a pas besoin de dire used to. C'est une question de choix. Au lieu de dire used to, on peut simplement employer le passé simple. On peut donc dire nous y mangeons très souvent. We ate there very often. On peut employer le passé simple, mais aussi l'imparfait qui exprime la fréquence. On a le choix. Alors, comment dit-on je le fais maintenant? I do it. Oui, assez souvent. I'm doing it. Oui, I am doing it. I am doing it. Je l'ai fait. I did it. I did it. Je le faisais ce matin. I was doing it. I was doing it this morning. Je le faisais très souvent. I used to do it. Yes, once more. I used to do it. I used to do it. Ou bien... I did it very often. I did it very often. Yes, very good. Yes. Comment dit-on je l'ai vue hier? Elle. I saw her yesterday. I saw her yesterday. I saw her yesterday. Et l'année dernière, je la voyais très souvent. Last year. Last year. Alors, I saw her very often. Yes, very good. Last year, I saw her very often. Ou bien? I used to see her very often. Right, I used to see her very often. Yes, yes. Pour dire j'ai l'habitude, en anglais, on dit je suis habitué à ça. I'm used to it. I'm used to it. Je suis habitué à ça. Comment dit-on je n'ai pas l'habitude de ça. Je n'y suis pas habitué. I'm not used to it. Right. I'm not used to it. I'm not used to it.